Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. C'est votre podcast hebdomadaire qui se voit complété d'une veille sur des éléments qui sont peut-être un petit peu moins essentiels, un peu moins phares. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Exactement, sur cet épisode un peu moins intéressant donc, mais quand même sympa. Non, c'est pas ça, c'est pas les incontournables, c'est tout, c'est d'autres sujets, voilà, c'est tous les éléments que vous n'avez pas peut-être forcément vu dans les gros titres, mais qui méritent quand même qu'on se pose dessus avec un ton un peu plus léger, un petit peu moins, peut-être, voilà, un peu moins dans la tête dans le guidon. En fait, je vais être transparent avec vous, j'ai perdu tous mes repères. Pourquoi j'ai perdu tous mes repères? C'est parce qu'on enregistre l'épisode hebdomadaire, mais aussi cet épisode supplément l'après-midi. D'habitude, on enregistre ça le mardi soir, et là, on enregistre ça le mercredi après-midi. J'ai du soleil sur l'écran. Ça, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis aveuglé. Non, je suis paumé. Je sais pas pourquoi. Je me rendais pas compte à quel point on était attaché comme ça à un environnement pour enregistrer un podcast. Je suis désarçonné. Ça va, toi, tu tiens le coup? Ouais, c'est dur. Hein, c'est dur. Hein. On est des oiseaux de nuit. Hein. C'est pas évident, quoi. Je suis pas productif pareil. J'ai pas la même concentration. Et donc, en plus, ça se ressentait peut-être en intro de l'épisode hebdomadaire que vous avez entendu il y a quelques jours, puisque j'avais commencé à lancer les news en disant ouais, Guillaume a prévu, on va parler de finances, etc. Bon, pas du tout, évidemment, parce que j'étais plus bas dans le conducteur et j'avais tout mélangé. Et on vous a pas parlé de... Oh, si, on a parlé de sous un petit peu avec Twitter et sa gestion du recrutement et du fait qu'il voulait faire des économies. Mais c'est la seule manière. Là, vraiment, pour le coup, on va vraiment vous parler de finances. On va vous parler des échos qu'il y a autour de la banqueroute de la société FTX. On vous en avait parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Donc là, on a un petit peu de nouveau. On a aussi des grosses machines qui font des gros calculs. Vous savez que c'est un sujet qu'on aime bien aborder aussi dans Tech Café. En fait, on a plein d'autres sujets. Guillaume, on va tout de suite commencer justement avec FTX parce que il semblerait qu'une personne a pris la parole pour donner un petit peu son sentiment sur la situation de l'entreprise, sur le contexte qui amène à cette faillite. Et a priori, il est critique. Il a pas beaucoup vu ça dans sa carrière, hein, je crois. Ouais, à vous Popcorn, hein, vraiment, parce que voilà quoi. C'est effectivement le gars qui est en charge de gérer la faillite. Enfin, les gars, et bon, en particulier le chef, quoi, qui a commencé à regarder un petit peu le dossier de FTX, là, et ça va pas être triste. Hein. Et pourtant, John J. Ray III, l'avocat en charge Dur, hein. du bazar, a vu dans sa vie, il en a vu des trucs, hein, franchement, parce que c'est lui qui s'est occupé d'Enron, par exemple. Alors, la faillite d'Enron, c'est là de 2001, mais c'est légendaire. Enron, c'était un géant pour de l'énergie. Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut que tu redonnes ça. Oui, c'est tout à fait. Donc, Enron, c'est un géant de l'énergie. Donc, dans les années 2000, c'était la 7e capitalisation américaine. Donc, à l'époque, même dans les années 90 plutôt. C'est donc la 7e capitalisation américaine de l'époque. L'action atteignait des sommets, tout leur souriait, c'était extraordinaire. Jusqu'à ce que des soupçons commencent à poindre sur la fiabilité comptable de la boîte. Et de fait, Enron a élevé la fraude comptable au rang d'un sport de compétition. Hein. C'est ce qu'il a gonflé systématiquement ses chiffres. Il se vendait du gaz à lui-même. Et voilà, la société se vendait du gaz à elle-même via des sociétés écrans. Et donc après sa faillite, d'ailleurs, elle a réussi en partie à détruire plusieurs tonnes de documents comme ça à la hâte parce que bon, voilà, il y avait des trucs dedans pas très propres. Donc on imagine d'ailleurs le fringant John J. Ray III, de 20 ans de moins, hein, qui a dû mettre son nez dans les comptes de cette grosse mafia. Voilà, ça vous forme un homme, tu vois, c'est un peu son Vietnam personnel. Et depuis, il en a vu d'autres, hein, c'est un vieux routier de la faillite, c'est une sorte de vétéran de la banqueroute. Et pourtant, il dit, je cite, « Jamais dans ma carrière, je n'ai vu un tel niveau de complète défaillance dans la gestion d'une entreprise. » Ça laisse songeur. Il continue, le contrôle était concentré entre les mains d'un tout petit groupe d'individus inexpérimentés, incompétents et potentiellement malhonnêtes. La situation est sans précédent. Après ce teasing, voilà, je suis sûr que vous voulez des exemples évidemment, parce que bon, il y en a beaucoup trop. Par exemple, FTX ne sait pas exactement combien elle a de clients, c'est pas clair, donc voilà, c'est pas clair non plus la manière dont ils géraient leur argent. Alors je rappelle que FTX était une bourse, voilà, le cœur de métier d'une bourse c'est un petit peu de gérer du pognon, je vois quand même, hein. Eh ben non, FTX n'a pas de liste précise des comptes bancaires, ni des noms associés, voilà, il n'y a aucune étude de solvabilité, voilà, des partenaires financiers qu'il avait dans le monde, des banques avec lesquelles il traitait, c'était bordel complet. FTX ne sait pas non plus exactement combien de cash il dispose. De même, FTX n'a pas de liste claire de ses employés. Voilà, il y a des gens de plusieurs entités qui travaillaient pour eux, il y avait des extérieurs, il n'y avait pas de registre du tout. Donc, qui travaille là, fait quoi, et pour quel salaire, aucune idée. Certains employés sont d'ailleurs impossibles à joindre, hein, parce que voilà. Comment ils faisaient pour payer les gens alors? Ils utilisaient une plateforme de chat, où ils viraient des fonds en échangeant des emojis, véridiques. De même, la gestion des fonds du groupe FTX Donc il y avait la bourse, mais aussi les bourses. Oui, il y avait deux bourses. Bref, mais aussi Alameda, etc. Ben, elle est totalement opaque. Aucun point journalier sur les positions, l'usage confirmé, donc l'usage a été confirmé d'un logiciel secret pour Alameda pour transférer des fonds de manière complètement invisible. Et bien sûr, tout ça est contrôlé par une seule personne, Fried, hein, à 90% en tout cas. Et comme si ça suffisait pas, Bankman-Fried communiquait aussi via des messages qui s'autodétruisaient. Et il encourageait les employés à faire de même. Donc rien n'est enregistré. Les décisions de gouvernance n'ont jamais été écrites. Il dit un truc, voilà, il envoie et hop, voilà, ça part. Ah, j'ai dit ça ? Non, mais on va faire autrement ou pas, enfin, n'importe quoi. Aucun registre, d'aucune sorte. C'est une philosophie d'entreprise, ne jamais rien écrire. Donc, c'est un n'importe quoi total et absolu, mais vous me direz, une société de cette taille n'a jamais eu aucun audit ? Jamais ? Eh bien si, il y a Prager Métis, je ne sais pas, une firme qui se targue d'avoir d'ailleurs officiellement ouvert un bureau dans Decentraland. Et voilà, donc ils sont dans le métaverse, donc il n'y a rien à craindre. pour couronner le tout, SBF est... crédibilité max. Hein. Et ouais, donc SBF, il n'est pas vraiment malin, puisque en fait, il continue sur Twitter à dire, je cite, que ces putains de régulateurs empirent les choses. Et il a un comportement complètement erratique et qui a peu de chances de plaider en sa faveur. Et donc, dans tout cet incroyable bordel, John et ses amis ont dû avoir recours à des cryptanalystes pour analyser le bordel, tout ce truc-là, donner une estimation des comptes de la boîte. Et aux dernières nouvelles, elle aurait 1,24 milliard dans les caisses. On parle de la totalité de FTX Group, en fait, hein, pas seulement de la bourse. Donc, dedans, il y a Alameda, FTX US, plein d'autres boîtes. Le problème, c'est que si on prend les 50 plus gros créanciers, ils représentent eux seuls 3,1 milliards de dettes. Et FTX pourrait avoir plus d'un million de créanciers au total. Donc, où sont les fonds d'ailleurs ? Ben, je sais pas. Voilà. D'ailleurs, je sais pas où sont les fonds. Le 17 novembre, les autorités des Bahamas annonçaient qu'elles transféraient tous les fonds vers un portefeuille sous leur contrôle. Quels fonds exactement ? Combien ça représente sur le milliard dont j'ai cité ? C'est pas clair du tout. Ce qui n'est pas clair non plus, d'ailleurs, c'est qui doit se charger de la faillite, parce que actuellement c'est la cour du Delaware là, qui est chargée de la faillite au chapitre 11, mais le cas est aussi enregistré au chapitre 15 de la cour du district sud de New York. Voilà. Et dedans, il y a les Bahamas au milieu, donc je comprends plus que dalle, mais ça va être très très sportif. Au passage, si jamais vous avez des fonds bloqués chez FTX, méfiez-vous des arnaques, parce que bien entendu, il y a des arnaques là-dessus aussi. Il y a une vidéo deepfake, d'ailleurs, de Bankman-Fried, qui circule sur Twitter. Donc SBF rassure les clients, il n'y a pas de souci. Non seulement tout va bien, non seulement on va tout vous rendre, mais en plus, on va vous faire un cadeau, on va doubler vos avoirs en crypto. Mais il suffit juste d'aller sur un truc qui s'appelle ftxcompensation.com, voilà, allez-y, bien sûr. Et voilà, ben oui, la boîte a un trou d'au moins 2,5 milliards, mais on va faire des cadeaux, bien sûr. Donc, je sais pas, il y a beaucoup trop de monde qui croit au Père Noël dans le monde des cryptos, je sais pas. Donc évidemment, c'est une arnaque, hein, donc gaffe. Ça sent le roussi donc du coup pour le redressement peut-être de FTX. On va voir comment ça se passe concrètement. On continue un petit peu dans le monde des crypto-monnaies. Oui, bah grosso modo, pour continuer un tout petit peu sur FTX, parce que sur les retombées aussi, grosso modo, SBF a fait une pyramide de Ponzi en fait. Hein, avec FTX, ils créent du token FTT à partir de rien, globalement, ils le vendent aux nouveaux clients, gonflent les prix en brûlant régulièrement, et utilisent ces fonds pour spéculer via Alameda et autres. Et voilà, et ça marche tant que, effectivement, le FTT a un prix assez élevé, donc tant qu'il y a des gens qui en achètent. Mécaniquement, c'est vraiment une pyramide de Ponzi. Ça ressemble quand même à une vieille recette revisitée, tu vois, une recette un petit peu revisitée, comme une blanquette de veau à la vanille, tu vois, ou une tarte citron en verrine, tu vois, c'est un petit peu revisité. Donc SBF, il est quand même parti pour devenir le nouveau Madoff, peut-être. Bien, on va voir ce que ça donne. Enfin bon, pour le moment, la faillite de FTX a des effets en cascade dont on commence à voir les effets. Il y a Genesis qui fait des prêts en crypto, qui est dans le prêt. Hein. Il est un petit peu dans la panade face à une vague de retrait. Il y a encore de liquidité. Donc il y a Gemini qui en a fait les frais. Genesis leur fournit des services. Il y a BlockFi aussi. Et il y a peut-être tout le Digital Currency Group, dont fait partie CoinDesk, mais aussi plein de gens, dont Foundry et Grayscale Investment. Et il y a aussi d'autres, dont Genesis. Et là encore, d'ailleurs, on admire la transparence qu'il y a dans le secteur, parce que d'un côté, chez Genesis, on dit qu'ils ont 175 millions bloqués par FTX et qu'ils ont fait un appel de fonds de 140 millions pour se renflouer. Mais en parallèle, le New York Times révèle que Genesis est en train d'explorer des pistes pour partir en faillite et qu'ils ont appelé à l'aide une banque d'investissement. Genesis devrait avoir, Genesis devrait avoir dans les 2,8 milliards de prêts actifs. Et ils seraient au bord de la faillite pour un trou de 35 millions, c'est quand même suspect. Et de même, on parlait de Grayscale Investment, là, machin. Grayscale Investment, c'est eux qui émettent les GBTC, le Grayscale Bitcoin Trust. Et ce truc a perdu totalement son indexation sur le Bitcoin, parce que normalement, c'est un peu comme du Tether, mais au lieu que ce soit voilà, indexé à l'US dollar, c'est indexé au Bitcoin. Et là, le GBTC, il est à 50% du prix du Bitcoin. Voilà, donc c'est... Et bon, c'est, le GBTC, donc, c'est Grayscale, et donc c'est le Digital Currency Group. Donc GBTC, c'est une sorte de dérivé du Bitcoin. Pour le garantir, Grayscale est censé en détenir 634 000, soit à peu près 10 milliards de dollars. Et la question se pose sérieusement de savoir combien ils en ont en vrai, des BTC. Sachant que Genesis avait déjà morflé avec la chute de Three Arrow Capital et que très probablement le Digital Currency Group a essayé de venir au secours de Genesis. Donc si tu veux, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de comment dire, d'entités qui s'échangent des trucs, c'est extrêmement endogène, c'est extrêmement consanguin tout ça. Donc le GBTC, c'est une sorte de... donc c'est une dérivée du Bitcoin, et le groupe Digital Currency en a racheté beaucoup, d'ailleurs, pour maintenir le truc. Et probablement, c'est lui, le Digital Currency Group, qui détient le plus de GBTC, qui est sa propre monnaie. Donc c'est le créateur de la monnaie qui en détient le plus, c'est quand même assez cocasse. Surtout que ça n'a pas l'air de servir à grand-chose, parce que depuis 5 jours, le GBTC se traîne à peu près au même niveau. Donc si on suppose que ce truc continuera à avoir la moindre valeur dans le futur... un futur proche, hein. Ben, ça fait un bitcoin à moitié prix, hein. Donc à la limite, je ne sais pas si c'est une affaire, mais ce n'est pas un conseil d'investissement, surtout pas. Dans tous les cas, voilà, si... alors évidemment, sauf si évidemment le bitcoin rejoint le GBTC et part officiellement, et que tout parte officiellement en vrille. Côté les cryptos, d'ailleurs, le Solana s'en remet pas très bien, hein, de tout ça, puisqu'il baisse encore un peu sous les 12 dollars, je crois, il en valait 30 à début novembre. Le bitcoin continue sa baisse, un peu en dents de scie, mardi il était à 15 400, donc c'était en baisse quand même sur une semaine, l'Ether autour de 1000 balles, lui aussi en baisse sur une semaine. Certains analystes comme chez Bloomberg Intelligence voient déjà le Bitcoin baisser à 10 000 dollars. Au passage d'ailleurs, ça y est, je l'avais un petit peu parlé, Kathy Hochul, donc le gouverneur de New York, la gouverneure de New York, a enfin signé le moratoire sur le minage de l'État, dans l'État de New York. Donc il est interdit d'y miner en utilisant des énergies fossiles pour au moins 2 ans. Alors, c'est que le début, la tourmente, hein. De toute façon, ce qui ressort globalement des témoignages sur SBF, c'est que c'était un gamin de 12 ans, accro aux sensations fortes, hein, dont l'unique but était de faire du cash, plus de cash, en prenant toujours plus de risques. Et lors de son ascension, d'ailleurs, il y a des investisseurs qui ont envoyé des mémos, l'exhortant à créer un board, à tenir des comptes, tu sais, tout ce que... voilà. Faire un boulot, quoi. Faire un boulot, de gérer une boîte comme un adulte. Et la réponse fut, je cite, « Allez vous faire foutre ». Donc SBF savait se montrer raisonnable en public, hein, même accommodant, hein, il faisait du lobbying pour avoir plus de régulation des cryptos, mais avec des règles qu'il arrangeait plutôt lui, voilà, pour ce qu'il faisait chez FTX, tout en étant plus strict avec la finance dématérialisée décentralisée en général, et d'ailleurs son ennemi de toujours, hein, le Changpeng Zhao, donc CZ, et lui était très impliqué dans la DeFi, dans la finance décentralisée, et c'est en partie voilà, de là que part leur inimitié, quoi. Cela dit, voilà, l'effondrement total de FTX et de SBF risque de profiter ni à l'un ni à l'autre. En tout cas, la pyramide de SBF, ça va être un tremplin pour pas mal de monde. Alors, ça peut être un cercueil pour pas mal de monde, ça va être un tremplin pour d'autres, hein, parce qu'il y a, évidemment, il y a de nouveaux acteurs crypto qui essaieront de se démarquer dans le futur. Hein. Peut-être Binance, d'ailleurs, qui annonce un plan de sauvetage du Web3, qui pourrait accroître encore son influence. Et puis, il y a aussi toute une légion d'avocats, voilà, qui vont se dépiauter du cas avec délectation, légions de juristes qui vont proposer des lois pour réguler tout ce bordel, pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Enfin, bien sûr, ça arrivera encore des scandales financiers de cette ampleur, il y en aura encore, c'est évident, personne n'y croit, mais bon, voilà. Disons qu'elle ne sera pas exactement pareille. Et puis, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est la valeur service derrière ces entreprises-là. On est quand même sur de la gestion de crypto-monnaies comme étant des ressources financières pour faire de l'argent. Je me pose encore et toujours la question du rôle de ces entreprises et en tout cas, quel rôle revendiqué ils peuvent avoir. J'ai l'impression... faire du pognon. Voilà, c'est ça. Au-delà de faire du pognon, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, je veux dire, ils font des produits dérivés sur des jetons virtuels qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Je veux dire, si on n'est pas dans la spéculation totale et pure pour faire du pognon de manière explicite, il n'y a pas plus simple. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'on peut s'imaginer mener ce genre de bateau en se disant durablement « ouais, ça va le faire, quoi ». Bon. Très bien, on continue donc du coup avec les crypto-monnaies parce qu'il y a un pays qui est assez emblématique quand on parle de Bitcoin, c'est le Salvador, Guillaume. Ouais, donc je disais, le Bitcoin continue de sombrer lentement, enfin à l'heure où on enregistre en tout cas, on ne sait jamais. Mais bon, ça n'empêche pas le Salvador, enfin Bukele pour être précis, hein, de vouloir continuer à en acheter un par semaine, alors que le pays a déjà perdu des dizaines de millions voilà, et que l'usage de crypto décolle pas plus que ça, hein, en tout cas pas plus. Il croit en sa stratégie jusqu'au bout, tu vois. Oui, c'est une stratégie bien sûr. Enfin bon, d'une certaine manière, le cas du Salvador n'est pas exceptionnel, hein, si on en croit les conclusions d'une banque suisse, donc la BIS, la Bank of International Settlement, qui a un nom de bisou, la BIS, oh c'est mignon. Bref, d'après eux, entre 73 et 81% des acheteurs de Bitcoin seraient déficitaires. Alors précisément, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une base de données des mouvements de Bitcoin sur les bourses, sur les bourses crypto, dans 95 pays sur 7 ans, donc de 2015 à 2022. Donc quand le prix du Bitcoin monte, ils constatent assez logiquement que plus de gens en achètent. Le profil est classique. D'ailleurs, c'est des jeunes hommes qui sont plus enclins à la prise de risque. C'est très très stéréotypé, mais c'est malheureusement statistiquement valide. En comptabilisant tous ces échanges, ils sont arrivés à la conclusion qu'entre 73 et 81% avaient perdu de l'argent. Donc quand les prix montent, les petits acheteurs veulent acheter. Et qui c'est qui vend? Ceux qui ont déjà du Bitcoin à l'appel. Donc c'est les gros porteurs, en fait, des baleines. Donc essentiellement, les petits donnent de l'argent aux gros. Et c'est comme ça que ça marche. Une conclusion qui va sans doute rappeler pas mal des choses à pas mal de monde, puisque une énorme vague d'achats s'est produite déjà dans les cryptos pendant la pandémie, les confinements aidant, les gens ne sortaient pas, donc ils ne dépensaient pas leur fric en resto et en alcool, comme d'habitude. Et donc, pas mal ont acheté des trucs comme des cryptos ou des actions GameStop pour le fun. Et les prix se sont envolés entre 2020 et 2021, et se sont donc spectaculairement viandés en 2022, pour revenir au niveau, justement, pour le moment, fin 2020. Donc il y en a d'autres qui doivent aussi souffrir, les pauvres, regardez le cours des cryptos avec un peu de sueur sur le front, c'est les criminels. On ne pense pas assez aux criminels. C'est vrai, c'est fou, mais toutes ces personnes qui ont fait des revendications pour toucher des crypto-monnaies, notamment mais avec des ransomware, alors ça devient quoi mais ça ils ont, des... Mais oui, c'est ça le problème. Trésors dormants. Mais écoute, ils ont quand même mis tout leur cœur dans ces malwares, dans ces ransomware, ils se sont donné du mal quand même pour rançonner les gens. Et là, effectivement, ils se sont pris 70%. De baisse dans la tête, c'est quand même moche aussi quoi. On pense pas assez à eux, aux cybercriminels. Enfin bon, en tout cas, pour eux, les cryptos aussi sont à double tranchant, voire à triple tranchant en fait. Ouais, triple tranchant, parce que bon, ok, c'est pratique, c'est vrai, c'est décentralisé, personne ne peut vraiment couper le machin, mais bon, c'est pas si anonyme, parce que c'est public quand même, et les forces de l'ordre d'ailleurs sont devenues très très bonnes pour tracer tout ça. Encore il y a deux semaines, il y a les États-Unis qui ont, la police américaine qui a récupéré plus de 3 milliards en bitcoin qui avaient été volés à Silk Road il y a 10 ans de ça. Donc 10 ans plus tard, ils ont quand même réussi à récupérer le fric, quoi. Donc c'est quand même une belle performance. Donc voilà, entre le fait que ce soit traçable, le fait que ce soit ultra volatile, voilà quoi, c'est quand même assez difficile. Mais pour l'instant, je pense que le rapport coût-avantage reste positif. Mais bon, faut voir à quel point ça descend. Certains y voyaient la solution idéale, effectivement, pour récupérer de l'argent sans traçabilité. C'est dommage, c'est pas aussi simple, on va dire. On change de rubrique, Guillaume, et puis on parle un petit peu de gros calculateurs, de très grosses machines. C'est les records à chaque épisode et à chaque fois qu'on parle de ce genre de sujet. Mais oui, c'est parce qu'à Dallas, là, c'est le Super Computer Show 2022. C'est la grand messe, c'est une sorte de Japan Expo. C'est une sorte de Comic-Con pour les supercomputers, quoi, tu vois. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, et oui, je sais. Alors, ouais, je sais bien. Ces énormes machines qui font là pour faire d'énormes calculs pour les chercheurs qui ont d'énormes besoins, ça peut sembler un petit peu éloigné de notre vie quotidienne. Et en fait, ça l'est pas du tout. Parce que déjà, on utilise les résultats de ces supercalculateurs tout le temps. Quand vous lancez votre appli météo, l'appli météo, elle prend les résultats que donnent ces énormes machines pour faire ses prévisions. Les climatologues du GIEC, ils font des calculs qui sont absolument monstrueux sur des machines comme ça. Les constructeurs d'avions, c'est comme ça qu'ils gèrent les turbulences sur leurs ailes. Pareil pour les voitures, pour les fusées. Voilà, il y a la science des matériaux, il y a de nouveaux matériaux qui sont inventés. Pareil pour la chimie, pareil pour les médicaments. Donc on utilise tous en fait des technologies, des objets, des trucs qui n'existeraient pas sans. Sans la science, déjà, et la science, souvent, elle a des gros, gros besoins de calcul qui vont avec. Et évidemment, un des trucs les plus évidents ces derniers temps, c'est les besoins de calcul pour l'intelligence artificielle. C'est un besoin qui renouvelle un petit peu le besoin de calcul, on va dire, qui change un petit peu le besoin de calcul pour les particuliers. Si je prends, par exemple, mon modeste exemple personnel, moi, j'utilise, par exemple, Stable Diffusion sur mon PC avec ma vieille GeForce 1060. Bon, pendant le rendu d'une image, elle est utilisée à 100%, ma GeForce 1060. Or, en FP32, elle développe dans les 4 teraflops. C'est une génération qui n'a pas encore de gestion efficace de la demi-précision, donc c'est vraiment pas la manière la plus efficace de calculer ça, mais bon, voilà. C'est pour fixer les idées. Donc, créer une image, bon, évidemment, ça dépend de la taille, mais encore, disons que ça prend de l'ordre d'une minute. Donc, 60 secondes pour 4 teraflops, c'est-à-dire 4000 milliards d'opérations, ça veut dire que chaque image demande 240 000 milliards d'opérations, virgule flottante. Ça en fait. Ça calme, hein. Et c'est rien du tout comparé à ce qu'il faut pour entraîner les modèles qui font ce genre de trucs pour les créer de zéro. En plus, les tendances globales sur les semi-conducteurs se voient d'abord hein, sur le très haut de gamme, là où on cherche la performance maximum, où le prix est moins un sujet, et donc on peut voir un petit peu les tendances générales comme ça, on peut voir un petit peu les tendances, si tu veux, de ce qui peut-être sera, nous touchera un petit peu plus tard. Et bon, alors, la tendance générale, c'est quoi? Bon, bah, évidemment, on peut pas dire, forcément, la mode là, actuellement, c'est l'exascale. Donc on est en train petit à petit de banaliser l'exascale, hein, si j'ose dire. Bon, je parlais de ma 1060, là, de ma vieille 1060, qui développe 4 teraflops. Donc 4 teraflops, c'est 4000 milliards d'opérations. Et ben, si vous multipliez par 1000, vous avez le pétaflop. Et si vous multipliez par 1 million, vous avez l'exaflop. Un exaflop, c'est donc 1 million de teraflops, ou 1 milliard de gigaflops, hein, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Bon, notez bien que j'ai utilisé... Terapeta, exa, ça me rappelle un petit peu mes tableaux de conversion en CM2. Mon fils a un peu de mal d'ailleurs avec ce sujet, je ne comprends pas pourquoi. Mais encore, il n'aborde pas les exa, les péta et les terra. C'est pour ça. Et notez bien par contre que j'ai utilisé ma carte graphique de clochard pour fixer les idées. Fait, je triche parce que ma carte, elle donne 4 teraflops en 32 bits. Par contre, elle est totalement nulle en 64 bits. Elle fait à peine 0,13 teraflops. La carte graphique qui est nulle en 32 bits et en 64 bits. Mais complètement, elle est nulle en 64 bits. Alors que Frontier, qui est la première machine qui officiellement dépasse l'hexaflop, ben elle donne un peu plus d'un hexaflop en 64 bits. Donc ma 1060, elle est vraiment très très très très très loin. Donc Frontier est américain, et les États-Unis ont au moins deux autres projets hexaflopiques pour bientôt. Il y a Aurora et El Capitan. Frontier et El Capitan, ce sont deux pures machines AMD. Et Aurora est une pure machine Intel, donc c'est assez rigolo. Et donc, tous sont pour le département de l'énergie, peut-être parce que c'est le seul à avoir assez de jus, hein, parce que Frontier consomme quand même 21 mégawatts, donc voilà. Finesse. Mais bon, parlons un peu de nous, et oui, nous, l'Europe... Attends, excuse-moi, 21 mégawatts, j'essaye d'avoir un rapport quand même de la consommation énergétique, de ce que ça peut représenter pour avoir des équivalents. Bah 21 000 kilowatts, hein, donc tu vois, un chauffage, ça consomme 2 kilowatts, voilà, bah, c'est 10 000 chauffages, quoi. 10 000 chauffages, voilà. Ouais. Bon, enfin, ça, en gros, c'est une toute petite ville. Ouais, c'est ça. À peu près. De toute façon, les superordinateurs en général, bon, c'est là, c'est frontières. Bon, les superordinateurs, c'est de cet ordre-là, quoi. Donc, ça se branche pas sur une prise classique, quoi. Voilà, c'est non, tout ce qu'il faut garder. Non, ça se branche pas. Non. Il faut vraiment, tu vois, chez EDF, il faut vraiment cocher plus de plus de trucs. Non, il faut cocher des trucs. Et puis, faut les heures creuses, parce que. Donc, nous aussi, en Europe, parce que voilà, on parle beaucoup des États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Donc, on a deux projets exascale, nous aussi, hein, d'ici à 2024, et même idéalement avec des processeurs européens. Donc, qui seraient issus des EPI, les EPI, les European Processor Initiative, n'est-ce pas? Donc, ce seraient nos CPU à nous. Et nos CPU à nous, ils s'appellent Rhea. Donc, Rhea, comme la femme de Kronos, hein. Il y a aussi des accélérateurs d'ailleurs qui sont prévus pour les calculs vectoriels et matriciels qui s'appellent les EPAC, pas les EPAD, c'est le truc d'avant, les EPAC. C'est mieux. Donc l'EPI a été lancé en 2018 et en 2021, ça a conduit au CPU Rhea. C'est des CPU ARM, les accélérateurs EPAC, eux, sont basés sur RISC-V. Donc la deuxième génération, Rhea 2, nom de code Kronos, évidemment, devrait arriver en 2023 et donc viser le calcul haute performance. Donc le but, c'est aussi de faire des puces qui consomment le moins possible. Donc les Rhea, ce seront des CPU made in France, puisqu'ils sont conçus par Cypherl, qui est une société toute jeune, qui a 2 ans et qui a son siège social à Maison Lafitte. Donc Cypherl ne fabrique pas les puces. C'est très proche de nous tout ça. Hein. C'est rare qu'on parle de ce sujet-là avec des références aussi proches géographiquement. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Hein. Enfin, Cypherl ne va pas fabriquer les puces elles-mêmes, c'est TSMC qui va s'en charger vraisemblablement. Donc dernièrement, ils ont annoncé un partenariat avec AMD pour utiliser les Radeon Instinct dans un prochain superordinateur. Donc globalement, tout le monde semble bien s'entendre avec Rhea, hein, puisque Nvidia aussi a annoncé qu'il y aurait harmonie avec ses accélérateurs, et Intel aussi. Dans ma connaissance, il n'y a pas encore de Rhea en dur, hein, je n'ai pas vu de puce qui a déjà été fabriquée. La production pourrait commencer à la fin de l'année avec des cœurs ARM Neovers, 64 gigaoctets de HBM2, le tout en 6 nanomètres. Et les Rhea 2, donc ça c'est Rhea, Rhea 2 arriverait en 2024, et donc la troisième itération en 2026. Globalement, il prévoit d'utiliser des process un peu éprouvés, puisque là, on remarque qu'on est à 6 nanomètres pour l'instant, ouais. 5 nanomètres en 2024, alors que le 3 nanomètres sera vraiment très courant, je pense, en 2024. et donc 3 nanomètres pour 2026 seulement, donc on est un petit peu comme ça. Pour être honnête, bon, voilà, ça c'est les projets. Moi, je suis un peu prudent quand même avec les intentions affichées à la SC 2022 par l'Europe, hein, parce que l'Europe envisage quand même au moins un superordinateur basé sur le pays d'ici à 2024, un autre en Allemagne et peut-être encore deux autres en 2023-2026. Et on étudie même le post-exascale avec des accélérateurs quantiques pour 2027. Ce qui est intéressant en soi, hein, et va probablement motiver beaucoup d'investissements en Europe dans le calcul quantique, et qui pourrait d'ailleurs aboutir vraiment, vraiment à quelque chose, hein, dans la seconde moitié de la décennie. C'est ambitieux, c'est bien, mais enfin je suis prudent parce que bon, les puces Cyper, elles n'ont pas encore été testées quand même, hein, c'est tout ça, c'est sur du papier, hein, donc tout est nouveau, et quand on voit les soucis qu'Intel a pour mettre sur pied son Aurora, le supercalculateur Aurora, il devrait déjà tourner, hein, et là, il n'est toujours pas en l'état, il a été redéplacé encore en 2023. Bon, pourtant, c'est Intel et Cray qui s'y collent, c'est pas vraiment des amateurs. Tu vois, donc c'est compliqué. Voilà, faire un ordinateur exaflopique, c'est compliqué. Donc bon, voilà, c'est bien d'avoir des ambitions, mais enfin on verra quand même sur place. Annoncer une machine exascale basée sur des CPU qui sont jamais sortis, jamais construits ni rien. Voilà, j'attends un petit peu de voir. Après, voilà, c'est toujours quand même intéressant, même si c'est pas non plus une machine totalement souveraine, hein, parce que les puces seront gravées par des Taïwanais quand même. Les accélérateurs qui feront le gros du boulot, si j'ai bien compris, bah, c'est les Radeon Instinct, donc ce seront des Américains. Ce seront gravés aussi par des Taïwanais ou des Coréens, je sais pas trop. Les cœurs, c'est ARM, donc ils sont donc nippono-britanniques, donc pas européens, hein, malheureusement. Donc voilà, faut bien commencer quelque part, en tout cas, c'est quand même intéressant. Un jour, hein, les EPAC en RISC-V seront peut-être assez puissants. Pour le moment, de la vie générale, RISC-V n'est pas encore prêt à être compétitif, hein, sur le segment de la très haute performance. Mais bon, on a quand même des trucs en Europe, on a quand même déjà des machines qui sont pré-exascale, donc qui sont pas dégueulasses, hein, qui sont pas aussi, qui font pas 1000 pétaflops, mais qui sont quand même intéressantes. Donc il y a Lumi en Finlande et Leonardo qui est à Bologne et qui est fabriqué en France par Atos. C'est un Bull Sequana XH2000, il y a pas moins de 2500 Xeon et 14000 Nvidia A100 dedans. Et c'est quand même le quatrième ordinateur le plus puissant du top 500. Donc a priori, officiellement, le quatrième ordinateur le plus puissant du monde, Leonardo. Et l'année prochaine, donc, ça continue, hein, puisque l'Espagne va acquérir un Mare Nostrum, Mare Nostrum 5. L'Allemagne devrait avoir son Jupiter d'ici à 2024, qui lui devrait passer la barre de l'Exaflop, par exemple, tu vois. Donc on se dérouille pas si mal. Alors, les US sont devant officiellement, parce qu'une grande inconnue aussi réside sur la Chine. La Chine publie plus rien, donc on sait pas vraiment où ils en sont. Officiellement, ils ont le Sunway Pro, Ocean Light, et peut-être le Tianhe 3, mais on sait presque rien sur le futur. Il y a un truc qui s'appelle Sugun, mais ils publient plus aucun test, plus rien. Donc il est très probable en fait qu'ils aient mis en service au moins 5 machines et qu'ils pourraient faire partie du top 10. Mais voilà, pour l'instant, c'est secret. Voilà, décision politique, hein, qui se défend, hein, vu l'état des relations internationales, quoi. Bah, je sais pas d'ailleurs, c'est quoi la motivation au contraire quand t'es dans une telle guerre? Est-ce que t'as pas intérêt à afficher le fait que tu progresses et que tu n'as pas besoin des, entre guillemets, partenaires technologiques et commerciaux que tu avais avant? Est-ce qu'au contraire, ce serait pas beaucoup plus puissant de dire, bah, regardez, nous on avance et regardez ce qu'on fait, quoi? Je me rappelle, c'était le cas il y a pas très très longtemps d'ailleurs. Oui, Guillaume, tout à fait. Ils avaient annoncé avoir dépassé l'exaflop avant tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si c'était pas en 64 bits, je crois. Mais bon, disons que là, étant donné que ben, les États-Unis commencent à limiter leur livraison, à essayer de les empêcher, si tu veux, d'utiliser les technologies occidentales, s'ils commencent à dire « Oui, ben nous, l'exaflop, voilà, ça fait deux mois qu'on l'a, ça fait deux mois, en gros, sur le top 10, il y a la moitié des machines qui sont chinoises », ben, ça risque justement de renforcer encore les tensions, et ça risque de renforcer encore les problèmes, d'accentuer encore les problèmes d'approvisionnement qu'ils ont déjà, quoi. C'est peut-être aussi tout simplement pour ça qu'ils publient pas. Ok, et ils gardent ça pour eux, et puis bah, quand même un petit mot d'encouragement pour l'Europe, c'est quand même cool de voir que les choses vont dans le sens des initiatives et des ambitions, même si effectivement, t'as raison, je pense qu'il faut être prudent, mais enfin bon, faut bien commencer quelque part. On continue avec nos super outils qui calculent des super choses très compliquées, mais qu'on a vu que c'était très concret pour nous, notamment avec Cerebras, Guillaume. Oui, bah, il y en a peut-être qui ont remarqué que j'ai mentionné que les processeurs Rea avaient de la mémoire HBM. Alors, un CPU couplé à de Moi, j'ai pas relevé, mais je te fais confiance. Bah, écoute, un CPU couplé à de la RAM comme ça, à très haute bande passante, en tout cas, une puce couplée à de la RAM à très haute bande passante, c'est un petit peu étonnant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt sur des cartes graphiques. Et même avec oui, HBM, c'est High Bandwidth Memory. C'est ça, High Bandwidth Memory. Je le dis très mal. Ça, c'est des trucs qui sont utilisés dans le très haut de gamme et encore pas si souvent. Parce que la HBM est chère, elle est plus rapide que la DDR5, mais elle est chère. Et dans de nombreux domaines, la mémoire devient le goulet d'étranglement, en fait. Mm-hmm. Et c'est un problème qu'on a dès qu'on a de plus en plus de cœurs qui sont de plus en plus rapides. Parce qu'il faut les nourrir, il faut leur donner à manger à ces cœurs, tu vois. Donc, en gros, il y a diverses interprétations pour contourner ce problème. L'une d'elles, c'est inclure la mémoire le plus proche possible des cœurs, c'est-à-dire sur le die, carrément. Mais évidemment, ça prend de la place et c'est très cher. Et l'exemple le plus extrême de ça, c'est Cerebras, qui fait des puces géantes, qui ont la taille d'une assiette, hein, avec des centaines de milliers de cœurs. Il y en a 850 000 sur le Cerebras CS2. Et le CS2, en fait, c'est une sorte de sandwich à trois plans. Donc il y a un plan pour les cœurs de calcul, il y en a un pour la mémoire, et un autre pour le réseau, qui est entre les cœurs, quoi. Et il n'y a pas moins de 40 gigaoctets de RAM on die, donc intégrés au processeur, en gros. Et ce truc atteint les 20 pétaoctets de bande passante. Donc on a 40 gigaoctets avec 20 pétaoctets de bande passante, ce qui est astronomique. D'ailleurs, au SC 2022, Cerebras a montré son système Andromeda, qui donc met en parallèle des CS2, donc des processeurs, c'est les processeurs, là ils en mettent 16 en parallèle, et donc ce truc explose l'exaflop de capacité, mais dans des conditions très particulières, puisque c'est en 16 bits et sur des matrices creuses. Donc il n'y a pas de quoi concurrencer Frontier. Mais pour l'IA, c'est très utile, et le système coûte 35 millions de dollars et pas 600, c'est pas mal, et il consomme 500 kilowatts et pas 21 mégawatts, tu vois, donc il y a des arbitrages à faire. Donc sans aller jusque-là, et pour rester quand même un poil plus généraliste, hein, Intel va se décider à prendre un petit peu le chemin des cartes graphiques et à équiper ses futurs Xeon SP de 64 gigaoctets de HBM2. Donc il y aura de la RAM intégrée au processeur, en fait, qui sera presque on die. Ils sortiront en janvier, ce seront des puces 56 cœurs, sachant que c'est globalement l'architecture des Alder Lake avec des cœurs P. Donc ces Xeon supportent aussi la DDR5, hein, mais si vous n'avez pas besoin de plus de mémoire, bah, vous n'avez pas besoin de mettre de barrettes du tout dans votre serveur. Le CPU arrive intégré avec 64 gigaoctets de RAM, et une RAM qui a 4 fois la bande passante normale. À tel point que d'ailleurs, si tu rajoutes de la DDR, tu peux avoir des centaines de gigaoctets de RAM en rajoutant de la DDR. Hein. Parce que c'est pas exclusif, en fait. T'es pas obligé d'utiliser que cette RAM-là. Tu peux en rajouter en DDR. Si tu peux en rajouter en DDR, et du coup, la HBM fonctionne comme une sorte de cache de la RAM centrale, qui elle est plus lente. Tu peux aussi l'utiliser en complément de la RAM centrale. Parfois, il faut recoder, mais en tous les cas, voilà, tout est possible. Et bon, rapprocher le CPU de la mémoire, c'est un petit peu ce qu'on voit chez Apple aussi, quand même, hein, avec les M1 et M2, qui offrent une bande passante colossale, au dépend de l'évolutivité de l'ensemble, mais quand même. Donc, Apple n'utilise pas de la HBM, hein, cela dit. La première puce qui a fait ça, qui a mis de la HBM directement sur le cœur, c'est les A64FX de Fujitsu, qu'il a fabriqué pour le Fugaku, qui est un super ordinateur japonais. Par ailleurs, par rapport à la dernière génération, disons, on passe d'ailleurs chez les Xeon SP de 40 à 56 cœurs au maximum, ce qui donne un besoin de bande passante encore plus important. Tu vois, c'est ce que je disais, il y a plus de cœurs, ils sont plus rapides, il faut évidemment encore plus de bande passante mémoire. Et donc, il montre que sur une simulation de mécanique des fluides, la HBM apporte 75% de performance en plus. Donc, une autre voie dont on avait parlé, qui est un petit peu plus, plus modeste, c'est la voie du cache, c'est-à-dire de rajouter beaucoup de cache. On avait parlé du 3D V-cache de AMD, c'est la technique qui consiste à empiler du cache L3, un très gros cache L3, par-dessus le CPU, pour pouvoir avoir un énorme cache L3 et donc augmenter virtuellement la bande passante mémoire. Et donc, apparemment, si tu fais ça, si tu fais la même simulation de fluide, Intel montre que le 3D V-cache offre 30% de gains, alors que le HBM en offre 75%. Bon, évidemment, faudra voir les prix, mais bon. En tout cas, c'est Xeon, donc c'est les Xeon Sapphire Rapids avec HBM. Ils inaugurent une nouvelle marque, les Xeon Max. Voilà. Et oui, bien, ça me rappelle quelque chose en hommage, ça. Mad Max, tu veux dire? Oui, bah, les M1 Max aussi. Les M1 Max, oui, c'est vrai, c'est les Kinder Max, non, les Kinder Maxi, je sais pas, il y a plein de trucs en Max, hein, donc c'est pas forcément, en tout cas, Max sera le sobriquet, n'est-ce pas, des nouveaux Xeon, mais aussi des nouveaux GPU, enfin des futurs nouveaux GPU, donc qu'on appelle aujourd'hui Ponte Vecchio, hein, qui pour le moment sont utilisés pour le futur Aurora. Donc en fait, les Ponte Vecchio, c'est des GPU Arc sous stéroïdes. Donc c'est des GPU, les GPU donc Max, c'est 52 teraflops en 32 bits et 64 bits, donc ce qui est quand même violent, et 939 teraflops en mode matriciel 16 bits pour l'intelligence artificielle, avec pas moins de 408 mégaoctets de cache, donc ça, et aussi bien entendu de l'HBM. Donc c'est HBM à tous les étages, Intel. Donc Voilà, de quoi répondre à AMD, et ça c'est sûr, avec qui ont aussi amené leur puce Genoa, etc. Mais bon, à quel prix ? Ça par contre, ils n'ont pas dit. On sera peut-être surpris. On va parler aussi un petit peu pour conclure sur cette rubrique de ce que tu as vu passer en matière de refroidissement, notamment des ordinateurs qui ont besoin de liquide, Guillaume. Et oui, comme moi. Une grosse tendance du SC 2022, c'était le refroidissement liquide, donc à la fois direct et par immersion. Alors, les joueurs PC sont sans doute familiers du concept de water cooling, n'est-ce pas, le water cooling. Effectivement, très bien dit, très bien dit. Et ben voilà, ben en gros, c'est ça, ça se répand aussi dans les serveurs de calcul, voilà, le water cooling. Alors, c'est pas forcément une très bonne nouvelle en soi, en fait, parce que ça traduit une montée des besoins en dissipation thermique qui va aussi avec la montée de l'intégration. Donc, on veut toujours plus concentrer la puissance, augmenter la densité des serveurs, hein, comme on dit, depuis toujours. Et là, on se retrouve avec des CPU, alors des CPU professionnels, hein, qui consomment jusqu'à 400 watts, et des GPU professionnels, hein, qui en avalent jusque dans les 700. Donc, un serveur qui intègre, du coup, plusieurs de ces puces, hein, très, très concentrées dans des lames, eh bien, ils peuvent consommer plusieurs kilowatts. Un système à 10 kilowatts, c'est même plus une vue de l'esprit, puisque, en fait, c'est ce que consomme le DGX H100, qui consomme 10 kilowatts dans un volume assez contenu. C'est plus épais qu'une lame, évidemment, mais enfin, c'est quand même un truc rackable qui est un serveur, quoi. Donc, un serveur à 10 kilowatts, c'est absolument énorme, parce qu'évidemment, il faut dissiper toutes ces kilowatts, et l'air peut ne plus suffire. Donc, le principe du water cooling, c'est d'utiliser un liquide, alors bon, de l'eau ou autre, hein, pour extraire de la chaleur. Donc, au lieu de mettre un radiateur sur la puce, là, et le radiateur, tu lui mets un ventilateur pour le rafraîchir, bah, tu mets une plaque en contact avec un liquide qui circule, et là, en tout cas, le liquide circule pour évacuer la chaleur de la plaque, hein, vers un radiateur plus gros qui est déporté. Et le radiateur lui-même est équipé de gros ventilateurs en général, ou d'un autre moyen de refroidir, on s'en fout, mais en tout cas, voilà, la chaleur est déportée à un autre endroit, quoi. En gros, elle est déplacée. Donc, les lames de serveur se dotent donc de blocs de cuivre ou d'alu et de tubes en caoutchouc de tous les côtés pour faire circuler le liquide sur les parties chaudes. Donc, la plupart des constructeurs offrent désormais des modèles de serveurs comme ça. Certains vont plus loin, même en refroidissant même un petit peu tout, la mémoire aussi, les puces réseau, etc. Donc, un serveur Neptune de Lenovo, ça inclut 4 H100 et 2 puces AMD Genoa, donc c'est quand même 3600 watts le tout, hein, à refroidir. Donc ça fait des serveurs qui sont toujours plus lourds et plus complexes, avec des tubes de tous les côtés, des pompes évidemment, pompes, nouvelle source de panne, hein, donc super. Donc, mais le truc c'est que ça c'est peut-être pas la fin de l'histoire, puisqu'il y a aussi l'immersion totale. On pourrait revenir à l'immersion totale. Alors je dis revenir, parce qu'en fait il y a déjà des ordinateurs qui ont été refroidis par immersion totale dans les années 80. On pense au Cray 2 par exemple, qui était comme ça. Donc les serveurs dans ce cas en fait il faut imaginer donc les gros serveurs plats là, tu sais, les grands lames de serveurs qu'on insère verticalement comme ça plouf dans un bassin rempli d'un liquide. Alors un liquide, c'est pas de l'eau. C'est parce que ça fait plouf. Donc ça fait plouf dans un liquide qui est évidemment pas de l'eau, c'est des liquides non conducteurs, donc c'est des huiles synthétiques ou des liquides spéciaux comme le liquide 3M. Donc quand ça tourne, quand le serveur tourne, la convection naturelle ramène la chaleur de l'ensemble, mais vraiment de l'ensemble, parce que là, comme il y a de l'eau, il y a des liquides absolument partout, l'ensemble est complètement... c'est l'ensemble de la lame en entier qui est refroidi. Parce qu'évidemment, la chaleur repart vers le haut, et donc, évidemment, en haut, il y a... En haut de la piscine. En haut de la piscine, si tu veux, voilà. Bon, c'est un bloc, hein. En haut de la piscine, il y a un échangeur, évidemment, pour ramener les calories plus loin, où elles pourront être dissipées, qu'elles pourront être utilisées pour du chauffage, par exemple, ce genre de choses. Mmh. Évidemment, ça complique énormément la maintenance, hein. Il faut une infrastructure pour gérer les fluides. Si on doit intervenir sur une lame, faut la sortir. Il faut la sortir du bassin. Pour la sortir du bassin, il faut la soulever. Et un serveur de calibre dont on parle, c'est le Kental, facile. Hein. Donc, il y a aussi des solutions à base d'immersion plus légère, mais ça reste quand même complexe, quoi. Alors, pour le moment, ça reste marginal, ce genre de joyeuseté. Et l'adoption, par contre, du refroidissement liquide est clairement en accélération. Et les experts tablent sur 19% des dépenses en refroidissement en 2026. Oh. Donc, voilà, on voit quand même qu'il y a des complications. Alors, tout n'est pas négatif, parce que ces complications, ça amène aussi à des solutions de refroidissement qui sont plus efficaces, tout simplement. Donc, ça peut faire des économies de climatisation, parce que quand tu refroidis par air, il faut évacuer l'air chaud, et puis il faut amener de l'air froid, donc d'où qui dit ça, il dit climatisation, et donc, finalement, refroidir les parties, spécifiquement les parties chaudes, c'est quand même un plus net. Alors le problème, c'est qu'on peut aussi le voir comme un indicateur supplémentaire de la mort de la loi de Moore, quoi, hein, parce que... Oui, c'est ce que tu disais juste avant, c'est pas forcément un annonciateur de progrès sur les développements en tant que tel, quoi. Ben, ça montre qu'on est quand même obligé de se compliquer plus la vie pour avoir, ouais. Pour continuer à avoir des serveurs de plus en plus puissants. Et c'est un truc qu'on voit aussi dans une certaine mesure à travers les dernières cartes graphiques. Je veux dire, pendant 30 ou 40 ans, la loi de Moore a permis d'avoir des machines qui soient toujours plus rapides et plus compactes à coût constant. Si on regarde la 4080, bah, c'est une carte qui offre grosso modo 1,6 fois plus de puissance que la 3080, mais elle est 1,7 fois plus chère en fait. Et la 4090, en gros, c'est deux fois plus puissant qu'une 3080, mais c'est deux fois plus cher qu'une 3080. Du coup, ouais, t'as plus de puissance, mais pour deux fois plus cher. Donc, alors que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude d'avoir des trucs plus rapides. Et plus rapide, c'était mieux, parce que plus rapide, c'était pas plus cher, en fait, tu vois. Bah, deux fois plus rapide pour deux fois plus cher, c'est moins mieux, on va dire. Donc, les consommations des GPU, d'ailleurs, et des CPU reflètent ça aussi, complètement. Regarde les cores de génération 13, bah, ils sont plus puissants hein, que les cores de génération 12, mais enfin, ils consomment plus, et ils consomment plus dans les mêmes proportions qu'ils sont plus puissants, tout simplement. Donc aujourd'hui, on fabrique toutes les puces dans trois endroits dans le monde. Hein. Les constructeurs ont à peu près tous les mêmes soucis, du coup, puisque voilà, tout le monde construit pareil. Donc Samsung a des rendements minables, d'ailleurs, hein, sur ses chaînes en 3 nanomètres, puisque ce serait dans les 20%. Ils ont demandé de l'aide, d'ailleurs, à une boîte américaine pour augmenter ça. Et de son côté, TSMC a un process plus mature au niveau du 3 nanomètres. Hein. Par contre, le prix des wafers ne cesse d'augmenter. Donc le prix des wafers, donc, vous vous souvenez, ces grosses galettes hein, sur lesquelles on grave les processeurs. Donc un wafer, c'est-à-dire une galette, comme ça, une grosse galette, ça coûte 20 000 $. En 3 nanomètres, graver un wafer, c'est 20 000 $. Donc moi, je vous dis, attendez-vous à des iPhone 15 encore plus chers. Parce que les prochains M machin, là, ils seront... en 3 nanomètres, et les prix explosent, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut voir qu'en 2014, le prix de... Alors attends, non, en 2004, ou en 2014, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà. En gros, ce qui est sûr, c'est qu'en 2018, le prix d'un wafer, c'était 10 000 $. Donc il a doublé en 4 ans, et je crois qu'en 2014, c'était 2 000 $. Donc ça a explosé complètement sur les 15 dernières années, ça a explosé littéralement. Donc tout ça fait qu'on commence à arriver au bout d'un cycle. Donc au bout du cycle, si tu veux, où les améliorations sont rapides, régulières et à coût constant, malheureusement. Mmh. Donc alors le truc, évidemment, c'est qu'il faut quand même bien sortir des produits chaque année, tu vois. Donc les produits meilleurs que la concurrence en plus. Donc on lance des GPU à 2000 balles qui bouffent 450 watts. Mais ça n'a qu'un temps, parce que imagine, on a la génération 4 là, 2000 balles, 450 watts. Si ça continue comme ça, dans 2, 4, 6 ans, ça va être quoi? La 9060, elle va consommer 900 watts. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas très réaliste en fait, c'est pas très durable tout ça. Et dans le monde du HPC, parce que c'est ça dont on parle, hein, ben c'est un problème qu'on a déjà et qui se reflète dans les besoins comme ça en dissipation. C'est le secteur où la puissance compte, et jusqu'à présent on a des très gros budgets, donc le prix compte moins. Donc dans un premier temps, c'est vrai qu'on va continuer à faire avec hein, des puces standards, et bon, ben les besoins des puces standards, on va y remédier. Mais une fois qu'on aura rempli une pièce entière de GPU et qu'on aura immergé tout ça dans de l'huile synthétique, ben je sais pas trop ce qu'on va faire, tu vois. Donc on s'apprête à la fin d'une époque, une époque qui a commencé dans les années 90 en fait, hein, et qui a vu la fin des superordinateurs custom. Ça, c'est un truc dont on pourra parler, mais à partir de cette époque, si tu veux, c'était plus du tout rentable de concevoir tout soi-même, tu vois. Donc on a arrêté de faire des superordinateurs qui étaient des machines uniques et qu'on fabriquait exprès, voilà, comme les Cray et ce genre de trucs, et on s'est mis à faire des gros clusters de PC, tout simplement. Et après, on a fait des gros clusters de PC avec des GPU dedans, voilà. Et c'est un petit peu toujours ce qu'on fait aujourd'hui, globalement, hein. Mais ça pourrait ne plus convenir si ça avance trop lentement, tout simplement. Donc, ben, on va peut-être revenir à une époque glorieuse des années 80 où chaque super machine était un design plus original. Tu vois, ne plus pouvoir compter sur les puces standards, même si c'est des puces standards un peu boostées, évidemment, pour le secteur pro, ben, ça poussera peut-être à plus d'innovation, tout simplement. Tu vois, des machines plus exotiques. Comme le Cerebras. Hein. Le Cerebras, c'est une machine exotique, hein. C'est une machine qui est vraiment unique dans son design. Hein. Donc on peut penser aussi à toutes les recherches sur comment revenir à des machines semi-analogiques pour faire du deep learning, tu vois, des machines à base de memory store, des réseaux optiques. Donc on a évoqué plein de pistes déjà, en particulier le week-end là, avec les news, dans ce genre de news, on évoque plein de trucs. Et d'ailleurs, le pari européen de compter sur des accélérateurs quantiques d'ici 2027, c'est intéressant, parce que comme s'ils avaient intégré qu'en 2027, on sera au bout et qu'il faudra trouver d'autres voies de croissance, en quelque part, en quelque sorte, tu vois. Donc, ce qui n'est pas complètement déconnant. Pas du tout, mais la fin de la loi de Moore, en fait, ça peut être joyeux, parce que, en fait, ça peut être aussi ce dont on a besoin pour nous motiver à relancer l'innovation, tu vois. Parce qu'on ne peut pas se contenter de prendre sur des... je caricature, mais tu vois, tu prends sur des étagères des plus standards, tu t'analignes de plus en plus, et puis voilà quoi. Ben, ça, peut-être que c'est plus possible, ça sera peut-être bientôt plus possible. Et donc, on est peut-être à l'aube de plein de révolutions technologiques qui toucheront ben, d'abord la haute performance et qui ruissellera probablement jusqu'à nous, petits utilisateurs finaux. Et qui feront des épisodes de podcast peut-être un peu plus intéressants. Enfin, non pas qu'ils soient pas intéressants, ah ben voilà. Mais du coup, ils seraient intéressants de. C'est de pas intéressant. Oh voyons. Super, bah c'est des belles perspectives, c'est chouette. Merci Guillaume. On va conclure cet épisode avec une autre rubrique qui est moins Super Computing 2022 comme tu le mets dans les notes de l'épisode. À commencer par l'initiative qui, alors on se plongeait dans les bassins là il y a peu pour refroidir nos appareils. Et ben on va tourner la tête vers le ciel et envisager peut-être une nouvelle galaxie de satellites ou en tout cas de data center en orbite, Guillaume. Ouais, bon, on ressort de la rubrique supercomputer, mais on continue un petit peu dans les data centers et même on parle aussi d'Europe, hein, avec un projet que même avec toute la bonne volonté du monde, j'ai quand même du mal à pas trouver complètement farfelu. Et pourtant, c'est Thales Alenia Space qui a été sélectionné pour faire une étude de faisabilité sur un data center spatial. Donc en gros, un data center en orbite, alimenté par des panneaux solaires et qui a pas trop de soucis de refroidissement vu la température dans l'espace. Hein. Enfin, quand il est à l'ombre. Donc, la liaison avec la Terre... Oui, quand il est à l'ombre, oui. Oui, c'est parce que ça aussi, mais bon, à mon avis. Bref, la liaison avec la Terre se ferait par communication optique avec une station de base, et la question se pose, ben, la question que se pose l'Europe, c'est est-ce que ça serait mieux question CO2? Perso, je vois pas comment. C'est une idée qui est tellement lunaire qu'elle pourrait même venir d'Elon Musk, hein, c'est pour te dire. Mais c'est pas la première fois qu'on a des projets de data center exotiques, hein, dans l'eau, par exemple, comme avec le projet de Microsoft, hein, qui a été, disons, semi-concluant. C'est des espèces de citernes que tu lances au fond de la mer avec un gros câble pour les communications. Ça a fonctionné globalement. Hein. C'est pas pour autant que tout le monde s'est mis à tout foutre à l'eau, tu vois. Donc, bon. Alors là, l'idée est encore plus bizarre, puisque, bon, comme on vient d'en parler, un serveur, c'est très lourd. Un ensemble de serveurs qui feraient un data center digne de ce nom, ce serait très, très, très lourd. Et donc, pour le mettre en orbite, ça coûterait extrêmement cher. Il faudrait plein de lancements, ce qui serait pas super, question CO2 déjà. Ensuite, il faudrait une communication vraiment rapide, hein, avec l'orbite, donc peut-être des orbites basses, donc voilà, la question se pose où tu les fous. Ça bouffe une quantité de watts très très conséquente, on l'a vu, les ordinateurs, donc du coup, il faudrait bah, des panneaux solaires monstrueux pour envoyer des mégawatts, parce qu'on parlait de mégawatts quand même, donc il faudrait aussi les monter en orbite, hein, ces panneaux solaires, donc voilà. Puis évidemment, pour finir, imagine qu'il faut changer un disque dur ou une barrette de RAM, tu vois. Et sans compter que tous les 5 ans, jusqu'ici... Et maintenant, c'est compliqué. Ah, là, maintenant, c'est compliqué, puis le renouvellement. Tu parce disais que la maintenance dans un appareil qui est plongé dans un bassin est compliqué, mais alors s'il est en orbite... C'est une plaie, mais en orbite, je te dis pas, quoi. Et sans compter que tous les 5 ans, jusqu'ici, à peu près, tous les 5 ans, le serveur, tu le remplaces, tout simplement, pour un mieux serveur, mieux. Donc, je sais pas. En l'état actuel des technologies, ça ressemble vraiment au poisson d'avril, mais non, ça s'appelle ASCEND, pour Advanced Space Cloud for European Net Zero Emissions and Data Sovereignty. Oui, je sais, c'est vraiment le truc. Hein, donc, voilà. Le nom ressemble à une blague lui aussi, mais pourtant le programme serait doté de 2 millions d'euros. Donc je serais très curieux que Thales conclue que oui, ce serait une super idée pour devenir carbone neutre. Bon, j'y crois pas, mais bon, j'aimerais être surpris. Le postulat de départ, c'est de dire que le refroidissement dans l'espace naturel nous ferait économiser beaucoup, beaucoup de consommation d'énergie et compenserait toute l'énergie qu'il faudrait investir pour le mettre en orbite, c'est ça? Oui, bah, y a le refroidissement, mais puis il y a l'énergie, puis ce serait forcément de l'énergie solaire qu'on utiliserait. Bon, ah. Ouais, enfin bon, ouais. C'est, okay. Ça me paraît un peu fumeux. Bon, très bien, on va toujours du côté des processeurs, mais en tout cas, on va parler un petit peu de Qualcomm qui était dans le feu de l'actualité ces derniers jours, Guillaume. Oui, on a aussi des super puces ARM et Qualcomm, donc bah, alors évidemment, alors Apple a des super puces ARM, lui, hein, il les a déjà, on le sait, on a bien parlé, donc Qualcomm voudrait avoir les siennes aussi, et donc ils ont racheté Nuvia en 2021 pour ça, donc c'était fondé par des anciens d'Apple Silicon, ça leur vaut d'ailleurs actuellement un beau procès avec ARM pour des problèmes obscurs de licence, bref. Mais ça leur a aussi valu une nouvelle puce, et voilà, et pour lesquelles, Qualcomm vient de faire le plus compliqué, leur trouver un nom et une marque. C'est alors, pas facile. Et oui, alors ça va s'appeler Orion avec un Y. Voilà. Donc la cible pour les Qualcomm Orion, c'est l'Apple M2, bien entendu. Donc les puces actuelles de la marque, le Snapdragon 8 Gen 2, fait pas vraiment d'ombre aux puces Apple, il faut le dire. Donc d'ailleurs, le test du projet Volterra, là, qui a été fait par Ars Technica, le confirme un peu. Le projet Volterra, donc, c'est cette petite machine Windows en ARM, que pour une raison obscure, Microsoft ne veut pas appeler Surface PC ou Surface Mini, est présentée voilà, comme une machine de développement, et ça a des performances qui sont décentes en natif, mais qui sont toujours très très moyennes en mode compatibilité Intel. Hein. Bon, puisqu'on a une digression sur la Surface, d'ailleurs, on peut souligner que les Surface Pro 9 ont subi un gros redesign interne, ce qui les rend beaucoup plus réparables. Donc d'ici à 2023, il y aura des manuels et des pièces qui seront disponibles pour les Surfaces. Mais bon, revenons à Windows on ARM. Donc Windows on ARM, ça marche bien, ça marche aussi bien que sur Intel, mais quand on arrive à l'écosystème, il y a toujours beaucoup d'applications compilées pour Intel, beaucoup plus que pour ARM, et il faut dire parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'utilisateurs Windows on ARM. Et ben justement, parce que c'est pas des foudres les appareils sur ARM. Donc tout ça pourrait changer si on avait vraiment quelque chose de très compétitif par rapport à Intel et par rapport au M1. Si c'était plus puissant et beaucoup plus puissant et plus économe qu'Intel, et que ce serait, si c'était comparable aux puces Apple, ben du coup les machines Windows on ARM deviendraient plus attrayantes, il y aurait plus de développement dessus. Et donc un enclenchement, un cercle vertueux qui pourrait effectivement propulser Windows on ARM qui stagne un petit peu pour le moment, enfin depuis plusieurs années quoi. Donc voilà, donc Orion, bah t'as la pression. C'est beau. Ouais, c'est de longue date hein, cette envie côté Microsoft de faire des Windows on ARM qui soient convaincants. Et j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes constats qui se heurtent à nos regards. Et ben c'était Nvidia, c'était les Tegra il y a des années de ça. Après ça a été Qualcomm. Bon ben voilà, avec Nuvia, on espère qu'ils vont y arriver. Il n'y a pas de raison. Intel est sous le feu des attaques de patent troll. Ouais, on parle de procès, là, donc voilà, toujours des batailles cocasses entre géants de la tech et patent troll. Parce que ça ne s'arrête pas, il n'y a aucune raison qu'elle cesse, puisque le système de brevets américain est toujours aussi pété. Donc, selon le dernier jugement, Intel doit 948 millions à VLSI. Alors, VLSI, ça évoque peut-être... Ça en fait de l'argent. Ça fait beaucoup de pognon. Et VLSI, vous me dites, ah, mais VLSI, attends, ça me dit quelque chose, c'est un truc électronique, ça, c'est un truc de technologie. Non, non, oubliez, VLSI, c'est le nom d'un patent troll affilié à un fonds d'investissement qui appartient à SoftBank, d'ailleurs. Et en fait, les Cascade Lake et Sky Lake auraient violé un brevet de VLSI sur un truc complètement obscur et probablement complètement bateau, parce que c'est pas la première fois qu'Intel en fait est inquiété par VLSI. En mars 2021, il lui devait aussi 2,18 milliards de dollars. Ce qui est marrant, c'est que les brevets de VLSI vont être passés en revue par l'organisme des brevets, et il y a une chance qu'ils ne soient pas revalidés. Donc ça rendrait le jugement caduque, bon bref. Intel et Apple ont d'ailleurs attaqué Fortress Investment, le propriétaire de VLSI, pour comportement anticompétitif, et ils ont perdu. Les boîtes n'ont pas vraiment, enfin les boîtes qui font vraiment des trucs, n'ont pas vraiment de masse de recours légaux face aux parasites qui les harcèlent avec des violations de brevets bidons qu'elles accumulent comme ça dans leur coin. Et c'est pas dire, en 2014, il y a une recherche qui avait estimé que tout ce barnum avait coûté 29 milliards de dollars en pure perte en 2011. Donc on peut résumer qu'il y a peut-être 30 milliards par an qui sont brûlés en frais de justice inutilement, au lieu d'aller soutenir vraiment l'innovation. C'est purement débile et ça continue. Au premier semestre 2022, 77% des poursuites en violation de brevets ont concerné le secteur tech et 95% visaient des grosses boîtes. Voilà, pour leur sucer le sang, quoi. Les patent trolls évoluent aussi, d'ailleurs, elles s'allient à de gros fonds d'investissement. Comme ça, elles ont bien les moyens pour bien harceler leurs victimes plus longtemps. Voilà. Bien du fric. Donc le mal est si profond qu'en 2005 déjà, il y avait Sony, Novell, Philips et IBM qui ont fait un truc de fou. Elles se sont alliées, elles ont signé un pacte de non-agression. Et ils ont fondé, à la suite de ça, ils s'est fondé le Open Innovation Network qui a grossi pour inclure 3700 sociétés et plus de 2,7 millions de brevets. Donc c'est assez fou et pourtant ben voilà, les trolls rôdent toujours manifestement. Ouais, tant qu'il y a de l'argent à se faire, ça continuera, c'est fort probable. On conclut cet épisode avec Seagate, un acteur bien connu dans le monde du stockage et des disques durs, qui justement dévoile une nouvelle version, Guillaume. Ouais, les disques durs sont toujours vivants, ils sont même plus rapides que jamais, hein, puisque l'Exos 2X18 de Seagate offre 545 mégaoctets de débit en SATA, et c'est digne de SSD, voilà, avec 18 teraoctets de capacité. 18 teraoctets sur un disque dur, hein, c'est quand même pas mal, c'est pour ça que d'ailleurs ils sont toujours là, les bons vieux disques durs magnétiques, hein. Alors, pour atteindre cette vitesse, Seagate met globalement deux disques durs à un, en fait. En 18 teraoctets, on a donc essentiellement deux disques de 9 teraoctets qui travaillent en parallèle en RAID 0. Alors, RAID 0, c'est pour donner une idée, parce que c'est un protocole interne, mais en fait, c'est l'équivalent d'un RAID 0. Donc le RAID 0, traditionnellement, ça permet de mettre en parallèle deux disques durs physiques, deux disques durs identiques, hein, sur lesquels on écrit... C'est lâche, l'autre prend. Pas du tout. Non, ça, c'est le RAID 1. Ah, pardon. Le RAID 0, c'est à deux disques physiques, mais au lieu d'écrire les données sur les deux de manière... de dupliquer les données pour que ce soit de la sécurité, tu as un fichier, tu as un bloc du fichier que tu écris sur un disque et un autre bloc du fichier que tu écris sur un autre disque. Ce qui fait que quand tu charges le fichier, tu peux charger le premier bloc sur un disque, le deuxième bloc sur un autre disque, et donc tu charges le fichier deux fois plus rapidement puisque les deux blocs sont chargés simultanément. C'est ça le RAID 0. Mais par contre, tu t'exposes deux fois plus au risque de défaillance du coup. Évidemment, si un des disques durs pète, tout est mort. C'est ça le problème du RAID 0. Mais bon, il faut choisir. Soit tu es beaucoup. Le RAID. Donc, tu peux configurer du RAID pour avoir de la sécurité ou du RAID pour avoir de la vitesse. Et donc, globalement, le 2x18 fait ça, mais en interne, de manière transparente. Ça suppose, par contre, que ce soit. Bah, que soit tu as 18 teraoctets, soit. 18 teraoctets avec la moitié de débit, soit que tu as 9 teraoctets avec super débit. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de miracle. Après, c'est des trucs pro, hein, selon les besoins. Les pros vont arbitrer. Voilà, de toute façon, c'est aux pros maintenant que s'adressent les disques durs, tu vois. Parce que la vitesse de transfert est très élevée. Après, le temps d'accès, c'est toujours le même. Hein, c'est des 7200 tours par minute. Donc, ce sera très très loin du SSD, ça c'est évident. Petit à petit, les SSD remplacent presque totalement les disques durs sur les machines personnelles, tu vois, du grand public. Mais par contre, les pros qui ont des très gros besoins en stockage vont encore les utiliser un moment parce que là, 18 teraoctets, je ne sais pas combien il coûterait 18 teraoctets de SSD, mais ce n'est pas triste. Et Seagate prévoit un disque dur de 30 teraoctets pour l'année prochaine. Donc en fait, tout simplement, les disques durs disparaissent de la sphère grand public, mais se maintiennent pour le stockage de très grosses capacités chez les pros, quoi. Et ça va durer encore un moment. Pour quelle raison ça plafonne à 7200 tours minute, c'est que au-delà il y a pas ça d'intérêt plafonne pas. Très longtemps que j'entends que les disques durs sont à 7200 tours minute, parce que c'est 5400 pour certains. Oui, alors il y a toujours des 10000 tours minute et on peut monter plus haut. En théorie, on peut monter plus haut. Après, le seul truc, si tu veux, c'est que c'est le rapport coût-avantage devient négatif parce que au plus c'est rapide, au plus tu fais de tours minute, au plus effectivement tu peux avoir un temps d'accès important. Le problème, c'est plus fragile, c'est moins fiable. Bon, ben voilà, après, si tu veux, c'est juste... est-ce que, tu vois, ça serait beaucoup plus cher en plus, et puis ça consomme plus d'énergie. Il faut voir qu'au plus le truc tourne vite, au plus ça consomme de l'énergie. Donc, c'est pour ça que les NAS, en général, c'est du 5400, comme ça, donc consommer peu. Okay. Donc voilà, c'est des arbitrages comme ça. Très bien, réponse très claire. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode supplément de Tech Café. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Et puis, c'est évidemment un grand plaisir de vous retrouver fidèles à l'écoute du podcast. Vous connaissez les incontournables. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, si vous l'avez trouvé utile, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé. Comme ça, vous pourrez nous soutenir à la hauteur de ce que vous considérez juste comme soutien. Vous pouvez aussi, bien évidemment, laisser, et on est ravis d'en prendre connaissance, un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. On les cite même durant les épisodes hebdomadaires. Et vous pouvez laisser un commentaire sur les articles qui accompagnent la parution de ces épisodes, dans ces articles, vous retrouvez les notes qui sont utilisées pour le conducteur des épisodes. Notes que vous retrouvez sur votre appli de podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Guillaume, il est grand temps que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Est-ce que tu es plutôt du style à être retrouvé dans l'espace en orbite, parce que c'est pas trop compliqué de nous refroidir, ou plutôt au fond d'un bassin? Écoute, moi je pense que vous allez me retrouver sur le bon coin, en train d'essayer de trouver des morceaux de Cray 2 pour ma collection d'informatique vintage. C'est tellement pragmatique. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Twitter, sur Mastodon, sur les réseaux sociaux de manière générale. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.